fais rien et je prends sur moi. Non, vraiment, je prends sur moi. Un mal qui se joue de ma faiblesse. Je fais rien et je prends sur moi. Non, vraiment, je prends sur moi. Je suis entré dans tes pensées. Mais le décor était parfait. Même des vieux démons sont venus me chercher. Si j'étais le même, m'aimerais-tu si j'étais le même? Dis-moi, m'aimerais-tu encore si j'étais le même? M'aimerais-tu si j'étais le même? Si j'étais le même. J'en étais